Chapitre 211. La recommandation de se prosterner par gratitude envers Allah pour un bienfait qu'il nous accorde ou un malheur dont il nous a préservés. 1159. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, relate. Nous quittâmes la Mecque en compagnie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en direction de Médine. Arrivé près de Azwara, il descendit à terre, alayhi salatu wassalam, leva les mains et invoqua Allah un certain temps, puis se prosterna un long moment. Il fit de même une deuxième, puis une troisième fois, se remettant à chaque fois debout, levant les mains et invoquant Allah un certain temps, avant de se prosterner à nouveau. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, « J'ai intercédé auprès de mon Seigneur en faveur de ma nation, et il a accepté mon intercession en faveur du tiers de celle-ci. Je me suis alors prosterné devant mon Seigneur par gratitude. Ensuite, je me suis relevé pour à nouveau invoquer mon Seigneur en faveur de ma nation, et il m'a accordé un autre tiers. Je me suis alors prosterné devant mon Seigneur par gratitude. Je me suis relevé pour la troisième fois, et j'ai encore invoqué mon Seigneur en faveur de ma nation. Il m'a alors accordé le dernier tiers. Je me suis alors prosterné devant mon Seigneur. » Abu Daoud.